La réunion des présidents du Comité commun national pour l'application de la déclaration commune du 15 juin pour le Nord, le Sud et la diaspora s'est déroulée les 19 et 20 courants à Shenyang en Chine. Les participants y ont discuté des problèmes pour détruire le plus tôt possible la muraille de division et livrer plus dynamiquement les activités pour fonder la patrie réunifiée par la force unie de notre nation. Ils ont délibéré des mesures pratiques pour défendre et appliquer à fond les trois principes de la réunification de la patrie énoncés dans la déclaration commune du 4 juillet, la déclaration commune du 15 juin et la déclaration du 4 octobre, afin de contribuer à la réconciliation et à l'union nationale, d'améliorer les rapports intercoréens et d'ouvrir le grand passage à la paix et à la réunification indépendante, et décider de promouvoir énergiquement les cérémonies conjointes nationales et diverses activités solidaires. Ils ont publié le communiqué. 1. Le Comité commun national du 15 juin a décidé de livrer solennellement cette année à Kaesong la cérémonie commune nationale consacrée au 16e anniversaire de la publication de la déclaration commune du 15 juin et la cérémonie commune nationale consacrée au 71e anniversaire de libération de la patrie à Séoul sous la participation de diverses organisations politiques et sociales et des personnalités du pays et d'outre-mer afin d'animer le climat pour la paix et la réunification indépendante du pays et l'amélioration des rapports Nord-Sud et de promouvoir le contact, le va-et-vient, la solidarité et l'union suspendue de divers milieux. 2. Le Comité commun national du 15 juin a décidé de s'efforcer par tous les moyens pour la réussite du meeting culturel et du rendez-vous des organisations des femmes, de la cérémonie des paysans pour la réunification, des activités solidaires pour l'histoire, la culture et les sports des jeunes étudiants, des rendez-vous de solidarité et de réunification variés de tous les secteurs et organisations régionales de la religion, de l'enseignement, des sciences et de la presse du Nord et du Sud, tels que matchs de football pour la réunification des ouvriers Nord-Sud au 15 août. 3. Le Comité commun national du 15 juin a décidé de s'efforcer au maximum pour supprimer les dangers militaires croissants dans la péninsule coréenne et établir le système de la paix durable et de promouvoir dynamiquement les activités variées pour exiger les excuses et indemnisations du Japon pour ses crimes commis dans le passé contre notre nation, tels que l'esclavage sexuel au service de son ancienne armée, les travaux forcés et la réquisition, et assurer les droits nationaux et à l'existence des Coréens au Japon. 4. Le Comité commun national du 15 juin a décidé de promouvoir à l'avenir aussi la solidarité multilatérale et l'agrandissement organisationnel pour l'entente nationale et le développement du mouvement réunificateur, sans fléchir devant toutes adversités et difficultés, en tant qu'organisation solidaire du mouvement réunificateur du Nord, du Sud et d'Outre-mer, regroupant tous les milieux du pays et de la diaspora.